Section 102 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Sonia. La lecture, tome 7e. Section 102. Note d'album, par Henri Beck. Nous ne trouvons guère que deux plaisirs dans notre intérieur. Celui d'en sortir et celui d'y rentrer. Le meilleur souvenir que garde une femme d'une liaison, c'est l'infidélité qu'elle lui a faite. Quand tu ouvres ta porte, c'est un ennemi qui entre. Défends-toi de toi-même et des autres. Le juge n'a bien souvent à se prononcer qu'entre deux intérêts également délictueux. Toutes les idées sont justes, toutes les bouches sont fausses. L'homme simple, franc, ouvert, sera toujours écouté avec attention, on le met dedans. Le mariage et la politique se ressemblent, il faut s'y jeter de bonne heure. La femme et l'homme vont ensemble comme la chaîne et le boulet. L'homme cherche son esclave. Fin de la section 102.